Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Il n'est pas du tout 21h, parce que c'est une petite émission que l'on fait en direct ce soir en mordant sur le créneau du Freaky Mix. Vous aurez bien sûr capté, pour ceux qui suivent l'enchaînement des deux, que Alex n'est pas là ce soir. Il sera en revanche bien présent en direct dimanche prochain, et nous dimanche prochain, on sera bien présent, pas en direct, pour une nouvelle émission en différé. Là, on est ensemble jusqu'à un bon 22h30, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ce soir? Plein de choses, hein, 24 groupes à s'écouter. Au milieu de ces 24 groupes, l'ami Thibaut nous balancera ses deux focus pour ce soir. Et puis je sais pas trop à quel moment de l'émission on s'accordera une petite liberté de diffusion pour, un peu comme l'année dernière, se faire un petit moment d'échange et de discussion autour de ce que nous, comment dire, de ce que représente pour nous Halloween dans les très très très très très grandes lignes, où en fait vous vous rendrez compte qu'en fait Halloween n'a absolument aucun lien avec ce dont on va vous parler. Voilà, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission de ce soir qui s'annonce chargée et fort riche en écoute et en discussion. On attaque tout de suite avec deux très jeunes formations qui nous viennent des États-Unis et de Norvège. Voilà, des jeunes premiers, hein. Exhumed tout d'abord, Darkthrone ensuite. C'est pareil, hein, ils doivent cumuler près de 70 ans de carrière à deux. Exhumed tout d'abord, on est sur les vétérans du Gore Death venus des États-Unis. To the Dead, c'est le nom de leur nouvel effort studio, une solide discographie pour Exhumed et toujours des prestas live carrés et efficaces au possible. Et Darkthrone, le duo de True Black Metal venu de Norvège, qui fait pas du tout du True Black Metal d'ailleurs, qui là nous fait un espèce de black un peu atmo, qui va un peu piocher dans des inspirations proches de Burzum. Et à côté de ça, toujours cette espèce de black and punk, enfin, toujours aussi appréciable à écouter. Ça doit être le 18e, 19e album studio, ou même plus, je sais plus exactement, pour Darkthrone. À noter que là, ils sont particulièrement prolifiques, hein, c'est le troisième album en 3 ans, 2019, 2021, 2022. Et en fait, c'est jamais que c'est bon ou naze ou quoi, ça reste Darkthrone. On adhère ou on adhère pas, et je trouve que le groupe arrive somme toute à se renouveler tout au long de sa très longue carrière. Exhumed, tout d'abord le titre Carbonized, et ensuite Darkthrone, le morceau Kevorkian Times, extrait de l'album Astral Fortress, toujours dispo chez Pizil Records. C'est parti et bienvenue dans l'émission. Yeah. On enchaîne dans une doublette qui va nous permettre de faire un grand écart stylistique de la lumière à l'ombre avec Nouvel Effort Studio de Devin Thompson qui sort tout sobrement sous son propre nom. Là, c'est pas Thompson Project, c'est pas Ziltoid, c'est pas Strapping You Lad ou quoi, c'est voilà, sous son propre nom. Lightwork, il s'appelle cet album. Un album qui se veut musicalement, sans trop de surprise, lumineux. Dans son approche musicale, dans l'ambiance qu'il renvoie, hein, et puis la pochette est sur des tons très clairs. Elle reste vachement soignée en fait. Et voilà, c'est un phare dans la tempête avec des grosses tentacules qui apparaissent et un phare éclairé, bien évidemment. L'album est déjà dispo, ça doit être les trucs les plus soft qu'on diffuse ce soir. Le titre sera Lightworker. Et en doublette, nous aurons les Hollandais de Wesenweil, le groupe de Black++, qui sort son troisième effort studio, The Great Light Above, hein, encore un truc autour de la lumière, sauf que là, l'axe de vue n'est pas du tout le même. Une sortie des acteurs de l'ombre, et on s'écoutera le morceau Revelation of the Construct. Lead me to the mother. We are. Bientôt 20h30 à la pendule de Radio Béton, c'est donc l'heure d'accueillir à l'antenne l'ami Thibaut qui va nous présenter le premier focus de l'émission de ce soir. Et surprise surprise, ce focus, c'est pas du black. Mais non, c'est pas du black metal. Bonsoir. Bah merci, bonne soirée. Voilà, c'est pas du black, du coup je m'en vais. C'est ça, exactement. Non, bah effectivement, il n'y aura même pas de black metal ce soir, quoique, peut-être. On n'est pas à l'abri d'une glissade malencontreuse. Du coup, du hardcore pour ce soir, un groupe qui nous vient de Louisville, donc dans le Kentucky aux États-Unis. Un groupe qui s'appelle Inclination, c'est leur tout premier album. Pour situer le groupe, c'est du straight edge hardcore qui s'est formé en 2017. De ma mémoire, c'est la première fois, je pense, qu'on fait un focus vraiment sur un groupe de straight edge. C'est un style qui, personnellement, j'affectionne tout particulièrement parce que j'y trouve beaucoup, beaucoup de sincérité. On reviendra un petit peu là-dessus pendant qu'on parlera du groupe, mais c'est un style ouais, qui est ultra engagé et donc qui croit à ce qu'ils font. Du coup, on y trouve vraiment beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de... Enfin, globalement, c'est un hardcore qui est généralement très vénère et ultra viscéral. Du coup, personnellement, c'est une scène que j'aime beaucoup. Et de souvenir, toi, tu partages ce côté-là aussi. Oui, ouais, c'est très beaucoup, beaucoup d'implications d'éthique dans la musique qu'on peut retrouver sur la scène straight edge, principalement dans la scène hardcore. On a quelques groupes de metalcore straight edge, voilà, ou vegan, mais ils sont pas forcément tous straight edge dedans, voilà, etc. Pour ne pas les citer, il y a les Allemands de Eventual Burn, par exemple. Mais voilà, Inclination est une jeune formation entre guillemets ricaine qui tape déjà très très fort dans le style et en termes de renommée. Ouais, bah complètement. Ils ont sorti donc un tout premier EP en 2017, ça s'appelait Midwest Straight Edge. Donc le ton, il est donné directement dès le premier EP. Un EP qui était déjà très frontal, d'une très très grande qualité, plus sombre que ce qu'ils ont proposé par la suite. Moi, je l'ai découvert là avec la sortie de l'album du groupe. C'est déjà du super bon travail et je recommande grandement de l'écouter parce qu'il est vraiment énorme. En 2019, ils ont enchaîné avec un autre EP qui s'appelle When Fear Turns to Confidence. Toujours aussi fâché, ça prend aux tripes, c'est plus brut encore, je trouve. Donc on enlève un peu le côté sombre et ça devient plus brutal que ce qu'ils proposaient avant. Donc ouais, c'est leur premier EP. C'est celui que j'ai poncé le plus. Ce deuxième EP. Il est assez énorme. Et du coup, ouais, beaucoup plus travaillé par rapport à l'EP précédent. Et là, ils arrivent avec un album voilà, c'est l'aboutissement du travail de toutes les années de leur début. Et cet album, il s'appelle je vais y arriver. Hein. Vas-y. Je ne te jugerai pas. Unaltered Perspective, une sortie qui sort chez Pure Nose Records. Accessoirement, voilà. Comme on se disait en antenne, le label sur lequel est Terror, par ouais, exemple. C'est pas très surprenant non plus. Mais, et voilà, donc que dire, on n'est pas sur des débutants. Déjà, moi, la première écoute, c'est le premier truc, tu fais OK, qui est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que clairement, c'est pas des débutants qu'il y a dans le groupe. Et on y retrouve notamment le gratteux de Knocktooth et le batteur de Armsway également. Donc ça explique pourquoi le travail est aussi abouti dès le premier album. On a un enregistrement qui est massif et musicalement ça danse de ouf. C'est plein de haine, c'est ultra viscéral, frontal. Et pourtant on a un travail, je retrouve forcément beaucoup de qualités que t'as dans des groupes comme Knocktooth que j'aime énormément. Avec un côté très frontal et à côté t'as un vrai vrai travail de composition. Avec énormément de diversité et puis t'as un chant colérique comme il faut pour porter tout ça. Donc moi j'ai vraiment vraiment vraiment pris mon pied sur ce style d'album. Visuellement la jaquette, moi j'y trouve pas toujours mon compte, mais ça c'est globalement dans le hardcore, c'est beaucoup de choses en mouvement, beaucoup de c'est des patchwork de scènes de concert, ouais, de shot live. C'est ça. Donc c'est très percutant, mais ça n'a pas la dimension graphique que j'apprécie dans un artwork vraiment pour un album. Je sais pas toi si tu avais... Si, je voulais rebondir sur le chant qui, je trouve, sur cet album est très différent de ce qu'on peut retrouver sur l'EP que j'ai le plus poncé, où on est sur un chant très hardcore. Et là, sur ce premier album, il y a de grosses, grosses, grosses nuances au niveau du chant. On a parfois presque de l'émo-core, des passages plus metalcore, vraiment screamé, très très screamo forcément, hein, et Et du coup, ça rajoute au côté viscéral de l'ambiance et au niveau des textes, etc. Donc, il y a une grosse implication, comme on l'a pu dire, éthique autour du straight-edge, du véganisme, etc. Et sur scène, Inclination, c'est la grosse dose. Ça fait partie de ces groupes qu'on voit beaucoup trop peu sur nos terres européennes. Nous, on a déjà chahuté un petit peu la scène straight-edge belge. Mais on n'a jamais eu l'occasion d'apprécier de nos propres yeux, à part, mais de loin, Year of the Knife au Hellfest cette année. Mais voilà, tous ces petits groupes d'une scène grouillante, prolifique, très en colère. Bon, Inclination, l'exemple, il n'est pas bon, parce que c'est quand même des vétérans de la scène qui sont réunis sous un nouveau nom pour exprimer des choses encore plus poussées, parce que dans Armsway, par exemple, tous les échos ne sont pas straight edge, idem dans Knockloose. Et là, ils se sont vraiment retrouvés pour pousser le viscéral à l'extrême. Récemment, l'autre groupe stratège qu'on a pu diffuser, c'était Earth Crisis. Donc là, on est sur des papas de la scène, on est plus sur du hardcore metalcore. C'était plus lourd et pâteau, presque, le dernier effort studio de Earth Crisis. Voilà, les mecs qui sont en fin de route, etc. Je suis toujours très séduit par ce qu'ils peuvent proposer en studio, mais là, Inclination, c'est vraiment le grand coup de pied dans la mâchoire. Et effectivement, cet album, comme tu as pu le dire, il est ultra riche. Dans les références que j'ai à l'esprit, ça va être du Strategy Beatdown, donc c'est pas très très riche musicalement. Là, au contraire, c'est. Puis on retrouve vraiment les influences, voilà, avec un gratteux de Knock Loose, toutes ces petites sonorités agaçantes Ouais, qu'on a complètement. sur le riffing, et puis le son global est très massif, hein, la batterie est ultra percutante, notamment, ce qui rajoute notamment sur les appels de break, etc., de la lourdeur, et puis bah, quand ça tombe, ça fait pas semblant, quoi. Donc je pense que si t'en as fait le tour, la meilleure manière, c'est de s'en écouter tout de suite, non pas un, mais deux extraits. Je rebondis rapidement parce que c'était un peu pour conclure ce que tu dis sur l'aspect plus mélodique, plus travaillé du chant avec des variations. Même globalement, la totalité est plus mélodique que ce qu'ils ont proposé justement sur l'EP de l'EP précédent. Et je trouve que ça sublime le reste en fait. Tu as ces passages qui vont porter des mélodies qui vont être moins percutants. Et puis par contre, quand ça commence à taper, ça te rend fou, quoi. Voilà, c'est vraiment tout l'intérêt où ça reste toujours très ouais, vraiment le on fait souvent des parallèles un peu épineux entre le straight edge et le NSBM parce que ça reste, quoi qu'il en soit, alors on va pas parler de capacité artistique tout ça, mais l'intention qui est mise dedans, que l'on peut saluer d'un côté ou d'un autre, juste l'aspect artistique, pas vraiment la qualité, hein. Mais les volontés qui sont mises dedans, c'est l'important, c'est d'y croire. Ce qu'on va pas forcément du tout retrouver dans le Gordes ou quoi, à part juste que les mecs sont passionnés de films de zombies, ou dans le Black, un peu extrême, mais où les mecs, non, c'est juste qu'ils pratiquent un espèce de folklore satanique ou un folklore païen, etc. Dans le trash, c'est juste des adolescents sur le tard en rébellion contre la société. Tandis que voilà, dans ces styles-là, c'est des mecs, enfin, ils vivent pour ça au quotidien, et ça se transparaît dans leur musique. Et nous, on aime bien. Ouais, complètement. Inclination, Unaltered Perspective, la doublette Predetermined, et juste derrière, Thoughts and Prayers. C'est parti. Part of me that drowns in poison, you prepare an angle. Voilà, après cette doublette focus sur Incarnation, on enchaîne avec Anthropophagus et White Skull. Tout d'abord Anthropophagus, l'excellent groupe de Brutal Death qui nous vient d'Italie. Ils sortent un album intitulé Origin, c'est d'ailleurs le premier album qu'ils enregistrent avec leur nouveau vocaliste, hein, Paolo Chieti, qui est notamment le vocaliste de Ex Putridity et surtout d'Evangelic, et qui est également passé par Corpse Fucking Art, pour ceux qui connaissent un peu cette scène Brutal Death Slam anthropophagusienne, italienne pardon, putain, n'importe quoi, ça y est, on commence déjà à faire les raccourcis, rien ne va plus, heureusement qu'on a commencé tôt ce soir. Origin, donc nouvel effort studio des Rital de Anthropophagus, une sortie Agonia Records, vraiment très très très bon, hein, dans la lignée du précédent album. Anthropophagus avait déjà tapé très très fort. Et en doublette, White Skull, ça nous vient également d'Italie, c'est d'une grosse inspiration Heavy Power Teuton. C'est emmené par une vocaliste depuis le début, hein. Metal Never Rusts, on est dans le cliché absolu dans la musique et dans les thèmes que peuvent nous proposer White Skull. Voilà, c'est Horns Up à fond les ballons, la pochette est dégueulasse à souhait. Cependant, on aime bien. Faudrait juste pas trop les rapprocher d'un Crystal Viper, parce que ce sera un petit peu la petite école. White Skull, Ad Maoria Semper, et juste avant ça, Anthropophagus, Slaver Ascension, une doublette ritalienne, donc c'est parti. We'll be right back. did to say goodbye to a friend, to walk away from the one you admire, and all the people say you start to carry on. I don't know why all the ones you let go. I tried to find a way to tell you that I'm proud. Try to speak, but it burns like wildfire. I wish I didn't give a damn about your brow. I wish you won't find your hands back on that. On va faire une magnifique pré-rentrée dans l'aspect française avec une doublette québécoise tout d'abord, Gevura, Get the Shot. Gevura, tout d'abord, groupe de black metal qui nous sort Game Nom, second effort studio longue durée pour le duo québécois, une sortie profonde lore Records, c'est du black québécois, donc il n'y aura pas grand chose à dire à part que c'est qualitatif. Et derrière, Get the Shot, le groupe de... Alors c'est hyper chiant à classifier, on va dire hardcore crossover, hein, parce qu'il y a, plein d'éléments un peu metalcore, un peu trash, un peu hardcore, un peu moderne, un peu traditionnel en même temps. Merciless Destruction, un album qui est ultra patate. Je trouve que le groupe a trouvé un nouveau souffle vraiment dans l'agressivité sur ces morceaux qu'ils avaient un peu perdu sur le précédent album, à mon goût. Merciless Destruction, et on s'écoutera le morceau Bloodbather, et juste avant ça, Gevura avec le morceau Memento Homo. nothing is what you got. Wait and see, your fucking world break. Now I don't pay this for your deserves. Man in the fucking city.